Hey Mako ? Ouais ? Qu'est-ce qu'on pourrait dire dans notre prochain texte ? Bah, faudrait un truc qui change, Kalpa. Je sais pas, un texte rempli de joie, un message de paix. Faut faire comprendre aux gens qu'il y a que l'amour qui compte pour être heureux dans sa vie. Ouais, ça serait bien ça. Qu'on apporte un peu d'espoir à notre jeunesse qui ne sait plus trop en qui croire. T'as fini l'instru de frais ? Ouais, c'est bon les gars, ça va le faire. Ce que l'on voulait, c'est un texte joyeux, un texte qui fait sourire les lèvres et fait briller les yeux, raconter quelques moments forts passés sur cette terre. Ce qu'on voulait, c'est un texte joyeux, un texte qui fait sourire les lèvres et fait briller les yeux, un hymne à l'amour, une ode à la paix, à chanter tous les jours pour unir les refrains. Comme ces deux hommes qui ont grandi ensemble, il y a 5 ans qu'ils se sont disputés. Aujourd'hui ils se rencontrent et se pardonnent, se serrant dans les bras, élan d'amour, effaçant toute rancune, toute fierté. Les larmes en ces instants sur leurs joues ont coulé. Comme la parole d'un proche qui redonne du courage, remonte la morale. Comme il est agréable de ne pas se sentir oublié, de recevoir un coup de fil ou un courrier. Quand on est loin de ceux à qui nous sommes attachés. Comme l'enfance, qu'elle est belle, sans conscience des soucis, sans avoir besoin de drogue pour sourire, jouant du matin au soir, une petite bouille innocente, pleine d'espoir, on a tous eu. Les souvenirs sont brouillés, mais nous l'avons tous vécu. Comme regarder sourire la femme que l'on aime, quand le couple ne fait plus qu'un, partageant toutes les joies et les peines, éprouvant les mêmes sentiments d'amour, jusqu'à ce que la mort vienne, jusqu'à ce que la mort vienne. Ce que l'on voulait, c'est un texte joyeux, un texte qui fait sourire les lèvres et fait briller les yeux, raconter quelques moments forts passés sur cette terre. Ce qu'on voulait, c'est un texte joyeux, un texte qui fait sourire les lèvres et fait briller les yeux, un hymne à l'amour, une ode à la paix, à chanter tous les jours pour unir les refrains. Ce que l'on voulait, c'est un texte joyeux, un texte qui fait sourire les lèvres et fait briller les yeux, raconter quelques moments forts passés sur cette terre. Ce qu'on voulait, c'est un texte joyeux, un texte qui fait sourire les lèvres et fait briller les yeux, un hymne à l'amour, une ode à la paix, à chanter tous les jours pour unir les refrains. Comme ce jeune de quartier qui a renoncé au trafic de l'argent, ça l'est facile à lutter face aux difficultés. Mais maintenant ça y est, il a un travail qu'il aime. On a toujours plus de mérite et de joie quand on obtient ce que l'on veut avec peine. Comme un son qui met des frissons dans le dos, qui nous rappelle des moments que l'on ne peut expliquer, des rencontres, des endroits, toi-même tu sais. Comme une famille se réunissant pour Noël, qu'ils sont heureux de se retrouver. Vous le savez, la distance fait que l'on ne se voit pas autant qu'on le voudrait. Cette année, un petit Samuel embellit la joie de Noël. Le jeune tonton le monte dans ses bras, il s'émerveille, contemplant ses petites mains qui cherchent à lui attraper l'oreille. Comme cette famille qui part en vacances à la montagne pour la première fois. Quelle joie pour les enfants en découvrant la neige et glisser sur une luge en bois. Ce que l'on voulait, c'est un texte joyeux, un texte qui fait sourire les lèvres et fait briller les yeux, raconter quelques moments forts passés sur cette terre. Ce qu'on voulait, c'est un texte joyeux, un texte qui fait sourire les lèvres et fait briller les yeux, un hymne à l'amour, une ode à la paix, à chanter tous les jours pour unir les refrains. Ce que l'on voulait, c'est un texte joyeux, un texte qui fait sourire les lèvres et fait briller les yeux, raconter quelques moments forts passés sur cette terre. Et on l'a fait, ce texte joyeux. Ce texte a fait sourire les lèvres et t'a fait briller les yeux. Car c'était un hymne à l'amour, une ode à la paix, à chanter tous les jours pour unir les refrains.